بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Taha, nous ne t'avons point révélé ce Coran, ô Mohammed, pour que tu sois tourmenté. Mais comme un rappel pour celui qui craint Dieu, une révélation venant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes, le tout miséricordieux qui s'est établi sur son trône. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, ce qui se trouve entre les deux, ainsi que ce qui se trouve dans les profondeurs du sol. Et même si tu élèves la voix, sache qu'il connaît toutes les pensées secrètes, même les plus cachées. Dieu, point de divinité à part lui, et il possède les plus beaux noms. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. L'histoire de Moïse t'est-elle parvenue? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille: Restez ici. Je vois du feu au loin. Peut-être pourrais-je vous en rapporter un tison, ou trouverai-je auprès de lui de quoi me guider. Puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé: Ô Moïse, je suis ton Seigneur. Déchausse-toi, car tu es dans la vallée sacrée de Touah. Je t'ai choisi, alors écoute ce qui va t'être révélé. En vérité, je suis Dieu et il n'y a pas d'autre divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour m'avoir présent en ta pensée. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. L'heure viendra certainement, mais je la garderai secrète, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit ses propres passions ne t'en détourne pas, sinon tu périras. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. L'IA dans ta main droite, ô Moïse. Moïse répondit : C'est mon bâton sur lequel je m'appuie et qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons. Et j'en fais aussi d'autres usages. Dieu lui dit : Jette-le, ô Moïse. Il le jeta et le vit se transformer en un serpent qui rampait. Dieu dit : Reprends-le et ne crains rien, nous lui rendrons sa forme initiale. Et serre ta main sous ton aisselle et l'en sortira blanche et étincelante, sans aucun mal, et ce sera là un deuxième prodige. Cela pour que nous te fassions voir certains de nos plus grands signes. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a transgressé toutes les limites. Moïse dit : Seigneur, fais que ma poitrine s'ouvre à ta révélation et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Donne-moi un assistant parmi les membres de ma famille et, que ce soit Aaron, mon frère, accrois par lui ma force, associe-le à ma mission, afin que nous puissions te glorifier et t'invoquer encore plus. Car tu es celui qui toujours nous observe. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Dieu dit : Ta demande est exaucée, ô Moïse, et en vérité, nous t'avons déjà favorisé une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère : Jette-le dans le coffre, jette le coffre à la mer, et que la mer le relance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le recueillera. Je te faisais aimer de tous par un effet de ma bonté, afin que tu sois élevé selon ma volonté. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. Et voilà qu'un jour, ta sœur vint dire : Puis-je vous indiquer une nourrice pour s'en occuper ? Ainsi nous te rendîmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Plus tard, tu tuas un individu et nous te libérâmes des craintes qui t'oppressaient, et nous t'imposâmes plusieurs épreuves difficiles. Puis tu demeuras plusieurs années durant parmi les habitants de Madian. Et ensuite tu vins ici, ô Moïse, conformément à mon décret. Je t'ai formé pour être à mon service. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Partez, toi et ton frère, tous deux appuyés de mes signes, et ne cessez pas de m'invoquer. Allez tous deux trouver Pharaon, il a certes transgressé toutes les limites. Et parlez-lui gentiment, peut-être prêtera-t-il attention, ou me craindra-t-il. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. Ils dirent: Notre Seigneur, nous craignons qu'il ne s'emporte contre nous ou qu'il ne se livre à quelques excès. Il dit: Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois tout. Allez le trouver et dites-lui: Nous sommes tous deux des messagers de ton Seigneur. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël et ne les tourmente plus. Nous t'apportons un signe de notre Seigneur. Et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Certes, il nous a été révélé que le châtiment frappera celui qui rejette la foi et s'en détourne. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Pharaon dit: Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse? Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui donne à chaque être sa forme et sa nature distincte, et qui le dirige ensuite dans la voie qu'il doit suivre. Qu'en est-il donc des générations anciennes? Dit Pharaon. Moïse dit: La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur, notée dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. C'est lui qui a fait de la terre un berceau pour vous, et vous y a tracé des chemins. Et c'est lui qui fait descendre l'eau du ciel. Avec celle-ci, nous faisons germer par couple des plantes de toutes sortes, et nous vous disons: Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien la dessine pour les doués d'intelligence. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى C'est de la terre que nous vous avons créée et nous vous y ferons retourner. Puis c'est d'elle encore que nous vous ferons sortir une nouvelle fois. Nous avons certes montré tous nos prodiges à Pharaon, mais il les a niés et a refusé d'y croire. Il dit, « Es-tu venu avec ta magie pour nous chasser dans notre pays, ô Moïse ? » Nous pouvons certainement produire une magie semblable, fixe à rendez-vous entre nous, que nous observerons tous deux sans faute dans un endroit convenant à chacun. Alors Moïse dit, « Votre rendez-vous aura lieu le jour de la fête. » et que les gens se rassemblent dès le matin. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى Pharaon se retira. Il mit en œuvre tous ses moyens, puis vint au lieu du rendez-vous. Moïse leur dit, « Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Dieu, sinon il vous frappera d'un châtiment qui vous détruira. Celui qui ment échouera misérablement. » Les magiciens se concertèrent et adoptèrent un plan en grand secret. Ils se dirent entre eux, « Voici deux magiciens qui par leur magie veulent vous chasser de votre pays et anéantir vos plus grandes traditions. Alors unissez vos efforts, et avancez-vous en rang serré. Celui qui aura le dessus aujourd'hui gagnera sur toute la ligne. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى Puis ils dirent, ô Moïse, veux-tu être le premier à jeter ton bâton, ou préfères-tu que nous soyons les premiers à jeter ? Jetez les premiers, dit Moïse. Et aussitôt, par l'effet de leur magie, leurs cordes et leurs bâtons lui semblèrent ramper sur le sol. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, ne crains rien, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et peu importe son degré d'adresse, le magicien ne réussit jamais, où qu'il aille. Voyant cela, les magiciens se jetèrent prosternés en s'écriant, « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. » إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Pharaon dit: Croyez-vous en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui, votre chef, qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper, mains et pieds opposés, et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers. Et vous saurez avec certitude qui de nous peut affliger le châtiment le plus sévère et le plus durable. Ils dirent : Nous ne pouvons plus maintenant te mettre au-dessus de ces preuves claires qui nous ont été présentées, ni au-dessus de celui qui nous a créés. Décrète donc ce que tu veux décréter. Tes décrets ne toucheront que notre vie d'ici-bas. Certes, nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos péchés, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Dieu est meilleur et éternel. إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Certes, quiconque se présente en criminel devant son Seigneur sera voué à l'enfer où il ne pourra ni vivre ni mourir. Mais quiconque se présente à lui en croyant, ayant accompli de bonnes œuvres, il accédera au plus haut rang. Les jardins d'Éden, sous lesquels coulent des ruisseaux, où il demeurera éternellement. Voilà la récompense de ceux qui auront cherché à se purifier. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. En vérité, nous révélâmes à Moïse: pars de nuit en tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans crainte d'être poursuivi, et sans éprouver de peur face à la mer. Puis, Pharaon se mit à leur poursuite, suivi de ses troupes, et ils furent tous submergés par les flots. Ce fut ainsi que Pharaon égara son peuple, plutôt que de le guider vers le droit chemin. Ya bani إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Ô enfants d'Israël, nous vous avons délivrés de votre ennemi et nous avons pris un engagement avec vous sur le versant droit du mont Sinaï. Et nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous vous offrons, mais ne commettez pas d'excès, sinon ma colère s'abattra sur vous, et celui sur qui ma colère s'abat est certes perdu. Je suis pardonneur envers celui qui se repent, croit, fait le bien et persévère dans le droit chemin. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Pourquoi Moïse t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils sont sur mes traces, dit Moïse. Je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Dieu dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve durant ton absence. Celui qui vient de Samarie les a égarés. Moïse retourna donc vers son peuple, furieux et l'âme en peine. Il dit, ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? L'aurez-vous trouvée trop longue à s'accomplir? Ou avez-vous plutôt souhaité que la colère de votre Seigneur s'abattent sur vous en rompant votre engagement envers moi? قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Ils dirent, ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi. Nous étions lourdement chargés des ornements du peuple de Pharaon et nous les avons jetés dans le feu comme nous l'avait suggéré le Samiri. C'est ainsi qu'il fit fondre l'or pour en faire à leur intention une forme ressemblant à un veau. Il leur sembla que cette forme meuglait. Alors ils s'écrièrent, c'est votre Dieu et celui de Moïse, il a dû l'oublier. Quoi? Ne voyait-il pas que ce veau ne leur répondait pas et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ni de leur faire du bien? Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, ô mon peuple, ce veau n'est qu'une épreuve pour vous tenter, or c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Ils dirent, nous ne cesserons de l'adorer jusqu'à ce que Moïse revienne. Alors Moïse dit, ô Aaron, qu'est-ce qui t'a empêché quand tu les as vus s'égarer de me rejoindre aussitôt? As-tu donc désobéi à mon commandement? Aaron répondit, ô fils de ma mère, ne m'agrippe ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne me dises, tu as divisé les enfants d'Israël. Et tu n'as pas respecté mes consignes. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم Alors Moïse dit, et toi le Samiri, qu'as-tu à répondre? Ce dernier dit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, alors à même la trace laissée par le messager, j'ai pris une poignée de poussière et je l'ai jetée dans le métal fondu. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Va-t'en, dit Moïse. Dans cette vie, tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas. Il y aura pour toi dans l'autre vie un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Maintenant, regarde ta divinité que tu as adorée de façon assidue. Nous la brûlerons certes, et ensuite nous disperserons ses cendres sur la mer. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. En vérité, votre seul Dieu est Dieu l'unique, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا. C'est ainsi que nous te racontons certains récits du passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons révélé. Quiconque se détourne de ce Coran portera un fardeau au jour de la résurrection et demeurera à jamais dans cet état. Et quel sinistre fardeau pour lui au jour de la résurrection. Ce jour-là, lorsqu'on aura soufflé dans la trompe, nous rassemblerons les criminels dont la vue sera troublée par la terreur. Ils chuchoteront entre eux, mais nous ne sommes restés sous terre que 10 jours, tout au plus. Nous savons mieux que quiconque ce qu'ils se diront. Ceux dont la conduite aurait été la plus exemplaire parmi eux diront, nous ne sommes restés qu'un seul jour. يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Ils t'interrogent à savoir ce que deviendront les montagnes ce jour-là. Dis, mon Seigneur les réduira en poussière, qu'il éparpillera. Il les laissera comme une plaine dénudée, sur laquelle tu ne verras ni sinuosité ni relief. Ce jour-là, ils répondront docilement à l'appel du convocateur, et les voix se feront plus basses devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un léger murmure. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Ce jour-là, aucune intercession ne saura profiter à quiconque, sauf si elle vient de celui à qui Dieu aura accordé sa permission et dont il aura agréé les paroles. Il connaît tout ce qui est devant eux et tout ce qui est derrière eux, tandis qu'eux-mêmes ne peuvent le comprendre avec le peu de savoir qu'ils ont. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Et les visages s'humilieront devant le vivant, l'Éternel. Et malheur à celui qui, ce jour-là, portera le fardeau d'une iniquité. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, n'aura à craindre ni injustice, ni réduction de sa récompense. C'est ainsi que nous avons révélé ce livre, le Coran, en langue arabe, et que nous y avons multiplié les avertissements. Peut-être craindront-ils Dieu ou prêteront-ils attention. Que soit exalté Dieu, le vrai souverain. Et ne te hâte pas, ô Mohammed, de réciter le Coran avant que sa révélation ne soit achevée. Et dis, mon Seigneur, accrois mes connaissances. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. En vérité, nous avions fait une recommandation à Adam, mais il l'oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, tous se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et pour ta femme. Prends garde qu'il ne vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Au paradis, tu n'auras jamais faim et ne connaîtras point la nudité de ton corps. Tu n'auras pas soif et ne sera point frappé par l'ardeur du soleil. أوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Mais Satan vint lui suggérer en chuchotant : Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité et un royaume impérissable ? Alors tous deux, Adam et Ève, mangèrent des fruits de l'arbre, et c'est ainsi que leur nudité leur apparut. Et qu'ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Voilà comment Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. Son Seigneur l'accueillit par la suite dans sa grâce, lui pardonna et le remit sur la bonne voie. Il dit : Descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez sans cesse ennemis les uns des autres. Et si un guide vous vient de ma part, quiconque le suivra ne s'égarera pas et ne sera point malheureux. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Et celui qui se détournera de mon rappel mènera certes une vie misérable, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira : Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais ? Dieu lui dira : Nos signes te sont parvenus, mais tu les as délaissés. Alors aujourd'hui, tu es délaissé à ton tour. Ainsi rétribuons-nous celui qui s'adonne aux excès et qui ne croit pas aux signes de son Seigneur. Et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى. Cela ne leur a-t-il pas servi d'avertissement que nous ayons détruit, avant eux, tant de générations dans les maisons desquelles ils marchent aujourd'hui ? Voilà bien la dessine pour les doués d'intelligence. Et n'eût été d'un décret préalable de ton Seigneur et d'un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat en ce monde. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Alors endure patiemment ce qu'ils disent et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et glorifie-le aussi aux deux extrémités du jour, ce sera ta voie vers la félicité. Et ne porte point ton regard vers les jouissances temporaires que nous avons accordées à certains d'entre eux, comme des corps de la vie présente, et par lesquels nous les éprouvons. Ce que ton Seigneur a à t'offrir est bien meilleur et plus durable. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك Et recommande la prière à ta famille et fais-la toi-même avec persévérance. Nous te réclamons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir, et le fruit de l'au-delà est réservé à la piété. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Et ils disent, pourquoi n'apporte-t-il pas un miracle venant de son Seigneur? La preuve contenue dans les Écritures antérieures ne leur est-elle pas parvenue? Et si nous les avions détruits par un châtiment avant la venue de Mohammed, ils auraient certainement dit, notre Seigneur, si seulement tu nous avais envoyé un messager, nous aurions alors suivi tes révélations, et cela nous aurait épargné l'humiliation et la disgrâce. Dis, chacun attend, alors attendez donc. Vous saurez bientôt qui sont ceux qui suivent le droit chemin et ceux qui sont bien guidés.